Enfants de tout pays, bonjour! Vous êtes bien sur Radio Fajette Nancy 94.2. Xavier à la technique, Daniel à votre compagnie, pour vous présenter Patchwork numéro 47, à l'écoute des musiques du monde. La programmation d'aujourd'hui vous propose un voyage en Autriche, pas très loin, trois coups de chapeau à Zoé Straub, une promenade autour du mot tyrolien et le tout étoilé de Zouk effréné. Zouk, bah oui, on va commencer par le Zouk. Un nouvel opus, plein de sensualité et de légèreté, tout à toi, Chaïna. Chaïna. Na na na na na. Tu m'as redonné l'envie d'essayer. Tu m'as bouleversé. Je suis attachée, bébé. Pourquoi pas s'aimer, s'aimer, s'aimer sans douter? Pourquoi pas sans louer, sans louer, sans tricher? Et je suis tout à toi, mon. L'Autriche est un pays germanophone d'Europe centrale, sans accès à la mer, caractérisé par des villages de montagne, une architecture baroque, une histoire impériale et des terrains alpins escarpés. Alors le pays est entouré par l'Allemagne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, l'Italie, la Suisse et le Liechtenstein. L'Autriche, une population de 9 millions d'habitants, avec comme capitale Vienne, 2 millions d'habitants. Autre grande ville, Graz, 300 000, Linz, 200 000, Salzbourg, le pays de Mozart, 150 000, Innsbruck, le pays du ski, 130 000 habitants. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Autriche a adopté une politique de neutralité dans les relations internationales. Et puis les Alpes occupent les deux tiers de la surface au sol, et le point culminant est le Großglockner. Il s'élève à 3797 mètres. Le parcours du Danube dans le pays est de 350 km. Le taux de chômage est de 4,9% et le salaire moyen mensuel est légèrement inférieur à celui de la France, c'est-à-dire 2000 euros. Le tourisme est l'un des secteurs économiques les plus importants et grâce notamment au poids important des sociétés spécialisées dans la sous-traitance, c'est essentiellement un pays de petites et moyennes entreprises. Grischiser, Wein, Udo Jürgens. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen, griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenk nochmal ein, denn ich fühle die Sehnsucht wieder in dieser Stadt, werd ich immer nur ein Fremder sein. Und allein. Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wind, von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind, und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah. Sagten sich immer wieder, irgendwann geht es zurück. Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war. Ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen, griechischer Wein und die altvertrauten Lieder. werd ich immer nur ein Fremder sein und allein. C'est une chanson autrichienne qui sent quand même un peu le Sirtaki. Allez, premier coup de chapeau à Zoé Straub. Zoé Straub, dite Zoé, est née à Vienne en 1996 et c'est une chanteuse et actrice autrichienne. Alors, née de parents francophiles, sa particularité est de chanter en français, pop française, pop et électro. Rends-moi mon cœur, Zoé Straub. Comme l'été terminé, comme les feuilles tombent des arbres effacées, oubliées, toi et moi c'est le passé. Je ne verse plus de larmes, les fantômes vont s'en aller. Comme l'été terminé, oublié, comme l'été effacé, oublié. Pour représenter la séquence promenade autour du mot tyrolien, nous avons fait appel à des artistes peu connus. Et le premier à entrer en scène, c'est Elisao Viola. Alors, pas d'informations le concernant. Et pour ceux de nos auditeurs qui en sauraient plus, qu'ils n'hésitent pas à se rendre sur la page La Cerise sur les Canteaux Patchwork pour nous faire part de leurs informations. Merci d'avance. Le Tyrolien des montagnes, Elisao Viola. Là-haut sur la montagne, je chante ma chanson, l'écho chante avec moi. Chante un peu plus haut qui me renvoie l'écho et le chante toujours avec moi. J'ai mis mon chapeau tyrolien, voilà que je chante très bien. L'écho chante avec moi, allô, comment ça va ?

joue pas les gros bras, tu vas te faire shooter gentiment. Hey, tu vas t'aider, tu vas pas me la faire, on prend pas par les sentiments. Les sentiments pour les gosses, je vais t'insulter poliment. Cogne maman, de toute façon si ça finit mal, si ça va au poste, faudra pas dire que c'est moi. Faudra jamais dire mon nom. La guerre c'est qu'un petit détail. Si on vient à toi, on liquidera les témoins. Qu'est-ce qui se passe, je me vois partout. J'oublie pas la thèse, elle m'a fait, moi je lui dois tout. On a fait la paire et maintenant on écrase tout. On n'a pas les mêmes fiches de paye, je les déclasse tous. Que faire en Autriche? Tout d'abord, Vienne et ses trésors culturels, l'art moderne à découvrir dans le quartier des musées. Vous rendez compte, plus de 100 musées et le grand parc d'attractions du Prater. Salzbourg, l'imposante forteresse médiévale domine la ville, une fontaine baroque et des ruelles anciennes, la maison natale de Mozart, un célèbre théâtre de marionnettes, l'abbaye Saint-Pierre, un des plus vieux couvents d'Autriche et le château de Miribel à la façade néoclassique. Innsbruck, au cœur des Alpes, c'est la capitale du Tyrol autrichien. Le toit d'or, un balcon de cuivre doré, vous trouverez ça en ville. Résidence impériale, Innsbruck abrite un palais de style baroque et rococo. Dans la Hofkirche, le tombeau de Maximilien Ier, éveillé par des statues de bronze représentant ses ancêtres et ses épouses. Et puis une promenade sur les rives de l'Inn, bordée de maisons aux façades colorées, terminera la visite. Ah, les chutes de Kreml, ah, c'est au sein d'une nature boisée que cette impressionnante cascade précipite ses eaux d'une hauteur de 380 mètres, une chute d'eau qui compte parmi les plus hautes du monde. Attention, ça glisse. Et au retour, eh bien, vous trouverez peut-être votre photo prise à votre insu lorsque vous montiez. Les chutes de Kreml. Hallstatt, un des plus beaux villages d'Europe, blotti entre la montagne et les eaux cristallines du lac Hallstattsee. Les vieilles rues, des maisons traditionnelles ornées de balcons en bois. Dans la chapelle du cimetière, on découvre dans l'ossuaire des crânes peints et décorés. Une pensée émue pour les anciennes mines de sel du monde. Et on terminera la visite par la merveilleuse promenade au bord du lac. L'abbaye de Melk, un des exemples les plus aboutis du style baroque triomphant. Et puis le Graz, la ville que l'on peut découvrir en funiculaire. La tour de l'horloge, symbole de la cité, et le centre médiéval, classé au patrimoine mondial. La route alpine du Großglockner, le promenade fabuleux, panorama fabuleux également, et avec un peu de chance, on pourra observer le long de la route des marmottes, des chamois et même des aigles. Saint-Wolfgang, au bord d'un lac, connu dans le monde entier pour sa célèbre auberge du cheval blanc, qui inspira l'opérette du même nom. Tu connais Xavier, l'auberge du cheval blanc? Non, il ne connaît pas. Oh, c'est pas vrai. Lolo, lolo, lolo, lolo, lolo. Oui, non, ça te dit quelque chose? Même pas. Allez, Und Widerstallisch, Annecy Interser. Ganz klar für mich, unwiderstehlich. weißt wie Schnee. Es ist wie ein Wunder, was ich sehe. Unwiderstehlich, so wie ich's gerne mag. Du siehst nun mal verdammt gut aus und hast einen Blick, der ist für mich unwiderstehlich. Schön wie Deuxième coup de chapeau à Zoé Straub. En 2015, elle a participé à la sélection autrichienne pour représenter l'Autriche au concours Eurovision de la chanson, sélection interne, où elle a terminé troisième. Eh bien, c'est pas si mal. Quel filou, Zoé Straub. Tous les filles sont émerveillées quand ils leur regardent dans les yeux. Elles gémissent, quel filou, oh mon Dieu. Quand ils traînent les rues de Montparnasse, toutes les dames désirent qu'ils les embrassent. Elles murmurent, quel homme fabuleux. Elles gémissent, quel filou, oh mon Dieu. Quel filou, quel filou, quel filou. Elle donnerait tout pour une aventure nocturne. Quel filou, quel filou, quel filou. Elle donnerait tout, mais le filou, lui, s'en fout. Regardez comme il passe les cafés. Écoutez quand il chante les chansons du temps passé. Quel filou, oh mon Dieu. Quel filou, quel filou, quel filou. Elle donnerait tout pour une aventure nocturne. Quel filou, quel filou, quel filou. Elle donnerait tout mais le filou lui s'en fout. Et pourtant moi je l'admire, mais jamais je me laisse aller. Son sourire, son imposante posture me plaît. Mais un jour, il m'a regardé. Dès ce jour, il s'est métamorphosé. Il m'a vu, il est tombé à genoux. Oui, j'ai mis, pour toi, je ferai tout. Quel filou, quel filou, quel filou. Il donnerait tout, mais moi, oui, je m'en fous. Il donnerait pas d'informations pour la chanteuse qui vient après. C'est Jeannine Perrault. Bon, si ce n'est un article nécrologique, alors espérons qu'elle ne soit pas concernée par cet article. Cowgirl tyrolienne, Jeannine Perrault. D'origine haïtienne, Fabiola Shine est une chanteuse de zouk et de Kumba Love. Inspirée par Whitney Houston, Mariah Carey, Céline Dion et Michael Jackson, c'est devenue une artiste complète. Créative et passionnée, elle participe activement au développement de sa carrière en tant qu'artiste indépendante. Son nouveau tube de 2020, Nos défauts, Fabiola Shine. Je sais que j'ai mes défauts, mais je trouve les mots qu'il faut pour te faire oublier. Toi, t'as tes défauts, par colère tu t'es. Et pourtant, malgré tous nos différends, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Et pourtant, malgré tout ça, Oudine, moi même encore. Moi même encore. Comment mange-t-on en Autriche? Quelques spécialités. Le schnitzel, pour commencer. Alors, c'est l'escalope viennoise. Escalope de veau panée, et habituellement avec de la confiture d'érelle rouge et une salade de pommes de terre. Et puis, il y a le bacon di salata. Une salade préparée avec des morceaux de poulet, frits et panés, servie avec de l'huile de pépins de courge et des gros haricots rouges. Knödel, ce sont des boulettes, des quenelles rondes, très denses. La pâte est souvent à base de pain, servie avec des légumes ou incorporée aux soupes. On peut les retrouver en plusieurs variantes, aux épinards, à l'ail des ours, au potiron, et même en version sucrée, à l'abricot par exemple. Les casnoulden, c'est une sorte de pâte qui ressemble à des raviolis fourrés, huile et parmesan en complément. Et puis, côté dessert, Apfelstrudel, c'est un gâteau à la pomme qui ressemble un peu à un chausson, mais enrobé d'une pâte plus fine. Il peut être accompagné de crème chantilly ou de crème vanillée. La palatschinken, à mi-chemin entre les crêpes et les pancakes, avec chocolat, confiture ou glace. Et puis alors pour bien digérer, le schnapps aux prunes. Ou abricots, pommes, poires ou framboises, ou tout à la fois. Et dans ce cas, on se délecte d'un obstler. Une chanson? Ein bisschen, merci. Dann seh ich die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dem Dunkel mein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude. Dass der Sturm beginnt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träume. Troisième coup de chapeau à Zoé Straub. Sa nouvelle participation à la sélection de la chanson autrichienne pour l'Eurovision 2016 s'est révélée payante puisqu'elle a terminé première avec son tube « Loin d'ici ». Elle a participé ainsi à l'Eurovision en 2016, devenant ainsi la première chanteuse autrichienne à représenter son pays dans la langue française. Et quand on pense que la France a choisi de se faire représenter par une chanson chantée en anglais, eh bien oui, on aura tout vu. Loin d'ici, Zoé Straub. Et quand tu chantes, oui, moi je chante aussi. Quand tu t'élances, je suis. Tu voles, oui, moi je vole aussi. Si tu t'élances, je te suis. Dans un pays loin d'ici, à la recherche du paradis. Dans un pays loin d'ici, on chante, on chante. Dans un pays loin d'ici, à la recherche du paradis. Chante. Et quand la route nous semble sans issue, sans aucun doute, je te suis. Sans aucun doute, même si on sera perdu, sans aucun doute, je te suis. À la recherche du paradis, dans un pays loin d'ici, on chante. Dans un pays loin d'ici, à la recherche du paradis, dans un pays loin d'ici, on chante. On chante dans un pays loin d'ici, à la recherche du paradis. Dans un pays loin d'ici, on chante. Dans un pays loin d'ici, à la recherche du paradis. Dans un pays loin d'ici, on chante. On chante dans un. Manon Bédard est née au Québec en 1969, country, yodel, harmonica, guitare et accordéon, le chant tyrolien de papa, Manon Bédard. De là-haut, écoute-moi, c'est chasse et puis la pêche. Oh, quand c'était la fête, tes amis venaient te voir, c'était vraiment la foire. Et comme l'a dit maman, j'y songerai souvent. Et comme l'a dit maman, j'y songerai souvent. Rapportés d'Autriche. Des balles de Mozart. Ce sont des bonbons ronds traditionnels autrichiens et les sphères de chocolat lisse contiennent un centre de massepain. Et puis alors, tout ce qui concerne Klimt. Klimt, c'est le célèbre peintre symboliste, c'est la fierté du monde culturel autrichien. Et si je me souviens bien, Xavier, il y a quelques années, j'ai eu le plaisir d'en peindre une réplique, et il me semble bien que c'est toi qui l'as. Est-ce qu'il est exposé quelque part? Oui. D'accord, il me fait des signes. D'accord, je peux dire où il est exposé? Non, je ne peux pas le dire. Oh, ben on va dire que ça a une relation avec son travail. C'est ça, c'est bien. The Kiss, le baiser, peut se retrouver imprimé sur tous les produits que l'on peut imaginer. T-shirts, tasses, parapluies, estampes et affiches. Et puis le buste de Beethoven, le compositeur a vécu entre autres à Vienne et il a composé ses fameuses 5e et 6e symphonies. Un petit buste d'argile, ou plus simplement un aimant de réfrigérateur, ben, ce sont des souvenirs appréciés. Et puis alors, côté des délicieuses gaufrettes napolitaines à la noisette sont devenues un symbole de vie viennois. Et puis ne pas oublier l'aimant du réfrigérateur à la gloire de l'impératrice Sissi. Kufstanon, Lied, Annie et Rosemary. Das Städtchen Kufstein, das kennst du wohl, umrahmt von Bergen, so friedlich und still. Ja, das ist Kufstein, dort am grünen Inn. Ja, das ist Kufstein, am grünen Inn. Hollarai told you, Hollaro, hui ri ri ru ri ri, Hollari hollarai told you, Hollari hollarai told you, bei uns in Tirol. Musik dann nimmt man Abschied und fährt nach Haus. Man denkt an Kufstein, man denkt an Tirol, mein liebes Städtchen, lebe wohl, lebe wohl. Mein liebes Städtchen, lebe wohl, lebe wohl. Holalo, hui di di du di di, holla di holla rai zol dio, holla di holla rai zol dio. La Savoyarde Magali, la yodeleuse des Aravis, est originaire d'Annecy. Dès son enfance, elle s'intéressait au chant des cloches des vaches, à la musique traditionnelle des montagnes, inspirée de la petite Heidi et du calme des vallées, où elle s'est produite à de multiples occasions dans l'émission de Pascal Sevran, La Chance aux Chansons, et n'échouant qu'en demi-finale, elle se fit connaître du grand public lors de sa participation à l'émission Incroyable Talent en 2006. Un petit chapeau tyrolien, Magali. Je me souviens qu'étant enfant, un beau matin, mes parents m'apprirent en croyant me plaire. Nous allons pour te distraire t'offrir un petit frère. Je leur ai pour dit oui, mais moi j'aimerais mieux un petit chapeau tyrolien pour faire moi et tout, oulala et tout. Moi j'aimerais mieux un petit chapeau tyrolien pour chanter ce petit refrain. Quand je devins militaire, j'ai trouvé la vie amère. Mais un jour mon général me dit bougre d'animal, t'es nommé caporal. Je répondis vous êtes sûr, moi j'aimerais mieux un petit chapeau tyrolien. Oh, dear. Et c'est ainsi que s'achève Patchwork numéro 47 à l'écoute des musiques du monde. Merci à Xavier pour la réalisation technique et merci à vous les auditeurs de nous avoir accompagnés. Vous retrouverez le podcast de l'émission en vous rendant sur le site de Radio Pagette Nancy. Et puis le prochain Patchwork, et bien c'est dans 15 jours, vous le savez, mais nous serons là dimanche prochain pour la cerise sur le canto. Ben, en attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Pagette Nancy 94.2, c'est pour les Lorrains, et radiofagette.net en ligne, c'est pour les autres Européens. Nous vous laissons en l'aimable compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Au revoir, à dimanche prochain, 10h.